paupières sont lourdes. Tous vos membres s'engourdissent. Ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis. Tout votre corps est engourdi. Vos mains, vos bras, vos jambes, sont rayonnants de la nuit. Je vais compter jusqu'à demain, confort dans la haine du migrant. Matière fécale dans la bouche, toi tu en bouffes en dénigrant. Tu as peur du barbu, invasion de l'islam, ils l'ont dit à l'écran. T'es dans l'angoisse, dans le stress, car ils t'ont mis à cran. N'oublie pas d'aller élire celui qu'ils ont choisi pour toi. Emploie le mot démocratie et te font croire que tu as le choix. Ils n'ont aucune donnée, mais ils souhaiteraient donner l'info. Tu te fais ken et t'avales tout, t'es un petit peu comme leur info. Tu ne vérifies rien, tu ne démêles plus le vrai du faux. C'est le syndrome de Stockholm, tu aimes ton bourreau et sa faute. Tu as voté, t'as employé le terme de type insoumis. Si souvent à quatre pattes que ton surnom c'est Katsumi, ils pourront pas me faire taire et combien même à quatre sur moi. Tu te dis choqué mais tu restes, donc avoue que t'es sournois. À la compète des trompettes, c'est toi qui gagne le tournoi. Sur le chiquet t'es qu'un pion, un bouffon dans la cour du roi. Désormais l'info est régie par le pouvoir. Vérifie toi-même, observe pour voir. Trier son volet pour défendre les intérêts. Il ne s'en cache plus, c'est plus un secret. Il est 20h, c'est l'heure de la grande messe. Pour presse-toi, d'acheter la presse. La machine en calapé, mets-toi à l'aise. Rétif passé, tu ne vas pas mal à l'aise. Désormais l'info est régie par le pouvoir. Vérifie toi-même, observe pour voir. Trier son volet pour défendre les intérêts. Il ne s'en cache plus, c'est plus un secret. Il est 20h, c'est l'heure de la grande messe. Pour presse-toi, d'acheter la presse. La machine en calapé, mets-toi à l'aise. Rétif passé, tu ne vas pas mal à l'aise. C'est l'heure du net, c'est l'heure du fake, c'est l'heure du fuck, fini la fête. C'est clair et net, sans interprète, on sent du check. N'importe quel baltringue maintenant se prend pour un journaliste. Sans parler des parano, écoute j'ai des noms sur ma liste. Comme ce taré de Rochard qui vient parler d'apocalypse. Mais c'est belle, c'est jusqu'à où Mike prend tous les mensonges éclipse. Ta vie est un ennui, tu as besoin de sensations. T'es tellement ébloui que tu fais même plus la distinction. Quelle sera la prochaine merde, la nouvelle chaîne YouTube? Qui sera le prochain malade que tu regardes et qui t'entube? On laisse la parole à des hyènes comme le Zemmour. Une poignée de journalistes ont le monopole dans la cour. Une dizaine de lentilles qui contrôlent l'information. La presse papier, puis la radio et des chaînes de télévision. Il y a des bruits, il y a des Dassault et encore d'autres bolorés. Des Lagardères, des Pigasse et encore d'autres Pierre Berger. Désormais l'info est régie par le pouvoir. Vérifie toi-même, observe pour voir. Trie son volet pour défendre les intérêts. Il ne s'en cache plus, c'est plus un secret. Il est 20h, c'est l'heure de la grande messe. Pour presse-toi, d'acheter la presse. La machine en calapé, mets-toi à l'aise. Rétif passé, tu ne vas pas mal à l'aise. Désormais l'info est régie par le pouvoir. Vérifie toi-même, observe pour voir. Trie son volet pour défendre les intérêts. Il ne s'en cache plus, c'est plus un secret. Il est 20h, c'est l'heure de la grande messe. Pour presse-toi, d'acheter la presse. La machine en calapé, mets-toi à l'aise. Rétif passé, tu ne vas pas mal à l'aise.